Festival de Cannes, une palme d'or d'honneur pour Robert De Niro. Le célèbre acteur américain, Robert De Niro recevra une palme d'or d'honneur lors de la 78e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra du 13 au 24 mai 2025. La cérémonie aura lieu le jour de l'ouverture, le 13 mai, et rendra hommage à une carrière exceptionnelle ayant marqué l'histoire du cinéma mondial. Présent à Cannes dès 1976 avec Taxi Driver de Martin Scorsese, qui avait remporté la Palme d'Or cette année-là, et 1900 de Bernardo Bertolucci, De Niro a multiplié les apparitions sur la croisette au fil des décennies. Parmi ses autres films emblématiques projetés à Cannes figurent La Valse des Pantins, 1983, Il était une fois en Amérique, 1984, et Mission, 1986. Ce dernier également couronné de la Palme d'Or. Au-delà de sa carrière d'acteur, De Niro a aussi présidé le jury cannois en 2011, année où le film L'Arbre de Vie de Terrence Malick fut sacré. Plus récemment, il avait foulé le tapis rouge cannois en 2023 pour présenter Les Tueurs de la Fleur de Lune. Sa fidélité au festival et son engagement envers le cinéma international font de lui une figure incontournable à célébrer.